Chapitre 25. Le grand ascenseur de verre. « Je n'ai jamais vu une chose pareille !» cria M. Wonka. « Des enfants qui disparaissent comme des lapins !»« Mais il ne faut pas vous tourmenter !»« Ils s'en tireront tous !» M. Wonka passa en revue le petit groupe, plus que deux enfants. Mike TV et Charlie Bucket. Et trois adultes, M. et Mme TV et grand-papa Joe. « Alors, on continue ?» demanda M. Wonka. « Oh oui !» crièrent Charlie et grand-papa Joe en même temps. « Je commence à avoir mal aux pieds !» dit Mike TV. « J'ai envie de regarder la télévision !»« Si tu es fatigué, il vaudra mieux prendre l'ascenseur !» dit M. Wonka. « C'est par là, venez !» Et nous y voilà. Il traversa à grands pas le couloir pour s'arrêter devant une porte à deux battants. Les battants s'ouvrirent pour laisser entrer les deux enfants et les adultes. « Et maintenant, s'écria M. Wonka, sur quel bouton allons-nous appuyer d'abord ? Faites votre choix !» Charlie Bucket regarda autour de lui, tout étonné. Il n'avait jamais vu d'ascenseur aussi excentrique. Des boutons partout. Les murs et même le plafond étaient couverts d'innombrables rangées de petits boutons noirs. Il y en avait bien 1000 à chaque paroi, sans parler du plafond. Et soudain, Charlie s'aperçut que chacun de ces boutons était flanqué d'une minuscule étiquette, indiquant la destination. « Ce n'est pas un ascenseur ordinaire qui monte et qui descend », annonça fièrement M. Wonka. « Cet ascenseur se déplace aussi bien de guingois, en avant et en arrière, dans tous les sens en somme. Il dessert toutes les pièces de ma chocolaterie. « Sans exception, vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton et... zing, vous partez !»« Fantastique !» murmura grand-papa Joe. Devant les innombrables rangées de boutons, ses yeux brillaient d'enthousiasme. « L'ascenseur est tout entier de verre blanc très épais !» déclara M. Wonka. « Les parois, les portes, le sol, le plafond, tout est transparent, tout est panoramique. Vous pouvez tout voir, dans tous les sens !»« Mais il n'y a rien à voir !» dit Mike TV. « Choisis un bouton !» dit M. Wonka. « Chaque enfant a droit à un bouton. Faites votre choix. Vite !»« Dans chaque salle vous attend quelque chose de merveilleux, de délicieux !» Charlie se mit vite à lire les inscriptions qui accompagnaient les boutons. « Mine de rocher de chocolat, profondeur 3000 mètres, » disait l'une d'elles. « Puis, pistolet à jus de fraise, caramélier à plantes dans votre jardin, toutes les tailles, bonbons explosifs pour vos ennemis, sucette lumineuse à manger au lit la nuit, jujube à la menthe colorant les dents en vert pour un mois, caramel creux. Plus besoin de dentiste. Bonbons collants pour parents bavards. Bonbons mobiles qui se tortillent délicieusement dans votre estomac après avoir été avalés. Bâtons de chocolat invisible à manger en classe. Crayons enrobés de chocolat, agréable à sucer. Piscine à limonade gazeuse. Nougatine magique. Il suffit de l'avoir dans la main pour en sentir le goût. Dragée arc-en-ciel. Sucez-les et vous cracherez toutes les couleurs. « Allons, pressons !» cria M. Wonka. « Nous ne pouvons pas nous éterniser ici. » « N'y a-t-il pas une salle de télévision dans tout ce fatras ?» demanda Mike TV. « Mais certainement !» dit M. Wonka. « C'est ce bouton-là !» Il le désigna du doigt. Tous les regards se posèrent sur la minuscule étiquette qui accompagnait le bouton et qui disait « Chocolat télévisé !»« Youpi !» hurla Mike TV. « C'est exactement ce qu'il me faut !» Il étendit le pouce et appuya sur le bouton. Aussitôt, on entendit un formidable sifflement. Les portes claquèrent et l'ascenseur sursauta comme piqué par une guêpe. Puis il s'ébranla littéralement. Et tous les passagers, sauf M. Wonka, qui avait empoigné une courroie fixée au plafond, furent jetés à terre. « Debout ! Debout !» cria M. Wonka en s'esclaffant. Mais à peine s'était-il relevé que l'ascenseur changea de direction pour prendre un virage avec violence. Et tout le monde se retrouva par terre. « Au secours !» cria Mme TV. « Prenez mon bras, madame !» dit galamment M. Wonka. « Voilà ! Et maintenant, agrippez-vous à cette courroie, que tout le monde en attrape une !» Le voyage n'est pas encore fini. Le vieux grand-papa Joe se releva et se saisit d'une courroie. Trop petit pour atteindre le plafond, Charlie mit ses bras autour des jambes de son grand-père et s'y cramponna de toutes ses forces. L'ascenseur avait la rapidité d'une fusée. À présent, il grimpait, il grimpait, il grimpait, comme s'il escaladait une pente très abrupte. Puis soudain, comme s'il avait atteint le sommet d'une colline et survolé un précipice, il tomba comme une pierre et Charlie sentit son estomac faire un bond jusque dans sa gorge. Et grand-papa Joe hurla « Youpi ! Nous voilà !» Et Madame TV s'écria « La corde est cassée ! Nous allons nous écraser !»« Calmez-vous, chère madame !» dit Monsieur Wonka en lui tapotant le bras pour la réconforter. Grand-papa Joe baissa les yeux sur Charlie, qui s'accrochait toujours à sa jambe. « Ça va, Charlie ? Ça va bien ?»« Ça va très bien !» répondit Charlie. « On dirait un bateau qui roule !» Et à travers les parois de verre, ils entrevoyaient, en passant devant de nouvelles salles, d'étranges, de merveilleuses images. Une énorme gargouille crachant une sauce brune et onctueuse. Une haute montagne rocailleuse, tout en nougat que des Oompa Loompa, encordés pour plus de sécurité, découpés à la pioche. Une sorte de bombe qui vaporisait de la poudre blanche, on eût dit une tempête de neige. Un lac de crème chaude au caramel qui fumait. Un village d'Oompa Loompa avec de minuscules maisons et des rues où jouaient des centaines de tout petits Oompa Loompa qui ne mesuraient pas plus de 20 cm. Puis l'ascenseur se redressa, on eût dit qu'il volait plus vite que jamais. À mesure qu'ils avançaient, Charlie pouvait entendre hurler le vent. L'ascenseur fonçait en se tortillant et il tourna. Il monta et il descendit et « Je vais me trouver mal !» hurla Madame Tivi, qui était devenue toute verte. « Ne vous trouvez pas mal, s'il vous plaît !» dit Monsieur Wonka. « Rien à faire !» dit Madame Tivi. « Alors prenez ceci !» dit Monsieur Wonka. Il ôta son magnifique chapeau de forme noire et le mit sans dessus-dessous devant la bouche de Madame Tivi. « Arrêtez cet effroyable engin !» hurla Monsieur Tivi. « Impossible !» dit Monsieur Wonka. « Il ne s'arrêtera pas avant d'être arrivé, pourvu que personne ne se serve en ce moment de l'autre ascenseur. »« Quel autre ascenseur ?» hurla Madame Tivi. « Celui qui va dans le sens inverse, sur la même voie, » dit Monsieur Wonka. « Ciel !» dit Monsieur Tivi. « Vous voulez dire qu'il peut y avoir une collision ?»« Jusqu'à présent, j'ai toujours eu de la chance, » dit Monsieur Wonka. « Cette fois-ci, je vais vraiment me trouver mal !» hurla Madame Tivi. « Non, non !» dit Monsieur Wonka. « Pas maintenant ! Nous arrivons ! N'abîmez pas votre chapeau !» Au bout d'un moment, on entendit craquer les freins et l'ascenseur ralentit. Puis il s'arrêta complètement. « Vous parlez d'une balade ?» dit Monsieur Tivi. Il sortit son mouchoir pour s'éponger la figure. « Plus jamais !» suffoqua Madame Tivi. Puis les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Monsieur Wonka dit « Une minute, écoutez-moi bien. Puis-je vous demander d'être tous très prudents dans cette salle ? Elle est pleine de matières dangereuses. Ne touchez à rien !»